Chapitre 19. Les mers. Bérénilde invita Ophélie à monter à bord d'une troïka aux chevaux blancs comme la neige. La Valkyrie s'y tenait déjà assise, à peu près aussi radieuse que si elle s'apprêtait à suivre un cortège funéraire. Ophélie marqua une légère hésitation en avisant une grande malle à l'arrière de la voiture. Elle ne partait tout de même pas en voyage. Alors que la troïka quittait l'hôtel et traversait les avenues industrieuses de la ville, les hommes ôtèrent leurs chapkas de fourrure et les femmes soulevèrent en révérence leurs cascades de robes au passage de la voiture. En vraie sainte patronne, Bérénilde eut un sourire bienveillant pour chacun d'entre eux. À force d'arpenter les ruelles des sables d'Opale, Ophélie s'était aperçue qu'il y avait un pan entier de Bérénilde dont elle ignorait l'existence. Il n'était pas un mur, pas une vitrine ou une figurasse de vieilles affiches avec son nom. La soupe populaire de Bérénilde, l'hospice de Bérénilde, la maison d'éducation de Bérénilde. Cet aristocrate, qu'Ophélie avait toujours vu dormir dans la soie et ne rien faire de ses 10 doigts, se métamorphosait ici en une bienfaitrice qui déployait toute son énergie pour faire battre le cœur de la station. Pourtant, la mystérieuse mélancolie était toujours là, dans l'ombre de son regard. « Nous devons parler, » lui dit Ophélie. « J'ai reçu une... »« Pas ici, » la coupa Bérénilde. « Attendons d'être arrivés. » Ophélie dut prendre son mal en patience. La troïka était conduite à toute petite allure par égard pour la grossesse de Bérénilde. Elle emprunta une route qui s'éloignait de la ville, longeait les marais salants et remontait la crête d'un fjord. La neige ne fondait jamais sur les hauteurs et bientôt les sapins prirent une coloration mi-émeraude, mi-argent. Ophélie pelotonna ses pieds l'un contre l'autre. Si elle avait pensé à prendre son écharpe, elle avait oublié ses souliers. D'un côté de la route, la muraille ferroviaire prolongeait la roche naturelle du rivage. De l'autre, le ruban de la mer reflétait les falaises d'en face comme un miroir. C'était une mer tellement salée qu'à part du plancton et des algues, on n'y trouvait rien de vivant. Et pourtant, elle était la souveraine des lieux. Lorsque le soleil fit une percée dans les nuages et qu'il déposa ses lames d'or sur l'eau, les couleurs du paysage passèrent en un instant du pastel à la gouache. Ophélie avait beau assister à ce spectacle jour après jour, il produisait toujours sur elle le même effet. Le charme fut rompu dès que la troïka traversa une allée de sapins et qu'elle s'arrêta devant le porche d'une demeure aux vitres rondes. Sanatorium, entrée des visiteurs. Ces 4 mots, gravés sur le fronton de la façade, donnèrent à Ophélie l'envie de prendre ses jambes à son cou. « Nous rendons visite à votre mère ?» Ophélie avait fini par complètement oublier son existence. S'il y avait bien une personne à qui elle n'avait pas du tout envie de parler, c'était cette vieille comédienne. Elle n'avait jamais été capable d'avouer à Bérénilde que sa propre mère les détestait, Thorn et elle, au point d'avoir mis leur vie en danger. Et une seule menace de mort lui suffisait pour le moment. Escortée par sa Valkyrie, Bérénilde pénétra dans le sanatorium avec une majesté de reine. Ophélie ne comprenait pas comment une femme dotée d'un ventre à ce point considérable pouvait se mouvoir de façon aussi gracieuse. Elle-même se sentait terriblement gauche avec ses petites jambes nues qui dépassaient sous son manteau de fortune. Une fois à l'intérieur, elle plissa les yeux, aveuglée par la blancheur immaculée des lieux. Le sanatorium, tout en baies vitrées et en carrelage propre, laissait couler à flot la lumière du jour. Il planait dans l'atmosphère une odeur de désinfectant qui fit regretter à Ophélie le parfum résineux du dehors. Elle suivit Bérénilde et la Valkyrie le long d'un interminable défilé de chaises longues où des personnes âgées prenaient le soleil avec une fixité de gisant. Que serait-elle censée dire à la grand-mère de Thorn quand elle la reverrait? « Comment vous portez-vous, chère madame? Avez-vous l'intention de me tuer aujourd'hui ?» Bérénilde s'introduisit dans une autre aile de l'établissement parfaitement déserte, ou presque. Une infirmière coiffée d'une grande cornette blanche se dirigea vers elle en faisant résonner ses sabots sur le carrelage. « Bonjour, madame Bérénilde. Votre mère va être heureuse de vous voir. »« J'ai apporté quelques effets personnels. Vous êtes certaine qu'il n'y a aucun risque pour le bébé ?»« Non, madame, Nous traitons des pathologies respiratoires, mais aucune qui soit contagieuse. Vous serez parfaitement bien installé ici. Soyez tranquille. Nous ne retournons pas à l'hôtel ? S'étonna Ophélie tandis que l'infirmière les conduisait le long d'un couloir. Vous aussi, répondit Bérénilde. Je vous expliquerai cela bientôt, mais j'aimerais d'abord m'entretenir avec ma mère. L'infirmière donna deux petits coups discrets à une porte, puis l'ouvrit sans attendre de réponse. Bérénilde pénétra dans la chambre en tenant son ventre à deux mains, et avant qu'Ophélie et la Valkyrie puissent la suivre, elle repoussa doucement la porte derrière elle. « Attendez-moi, » murmura-t-elle dans l'entrebâillement, « je ne serai pas longue. » Ophélie acquiesça en silence. Elle avait eu le temps d'apercevoir derrière Bérénilde un spectacle qu'elle n'oublierait pas de sitôt. Le corps flétri d'une vieille dame, plus blanche que les draps de son lit, fixant le plafond de ses yeux exorbités, la respiration réduite à l'état d'un sifflement. Si Ophélie n'avait pas su que cette femme était la grand-mère de Thorn, elle ne l'aurait pas reconnue. Ébranlée, elle fit quelques pas le long du couloir et s'assit sur le rebord d'une immense fenêtre ronde. Dire qu'elle se sentait menacée par cette femme quelques minutes plus tôt. « J'ignorais que sa santé était si mauvaise, » avoua-t-elle à la Valkyrie qui l'avait suivie dans un froissement de robe. « Je savais qu'elle souffrait des poumons, mais ça !» Elle fut secouée par une série d'éternuements avant d'avoir pu achever sa phrase. « Tenez !» Ophélie considéra avec des yeux ronds le mouchoir que venait de lui offrir la Valkyrie. Elles vivaient ensemble depuis des mois, et c'était la première fois qu'elle entendait le son de sa voix. Elle se moucha du bout du nez, un peu gênée de salir un si bel ouvrage. On aurait dit que le mouchoir avait été confectionné dans la même matière noire et finement brodée que son vertugadin. « Merci, madame. » Sa surprise redoubla quand la Valkyrie lui adressa un sourire plein de malice qui propagea des rides sur chaque joue. « Allons, allons, pas de madame entre nous. C'est moi, Archibald. Quoi ?» Ophélie s'était entendue dire et répéter qu'une jeune fille bien éduquée ne disait jamais « quoi ?» mais elle estimait qu'il y avait certaines circonstances qui excusaient toutes les impolitesses. La Valkyrie prit place à côté d'elle. Ce fut un spectacle surréaliste de voir cette vieille dame, si digne et si guindée en temps normal, se débattre dans sa robe bouffante avec des gestes disgracieux. « J'emprunte ce corps un instant. Il n'est pas très confortable, mais je voulais vous parler en privé. » Quand elle vit le regard de la Valkyrie examiner ses mollets nus d'un air polisson, Ophélie n'eut plus le moindre doute. C'était bien Archibald. « Vous pouvez faire une chose pareille ?» balbutia-t-elle en tirant sur son manteau autant que possible. « Posséder un autre corps que le vôtre ?»« Oui, » répondit Archibald à travers la voix éraillée de la Valkyrie. « Quand son propriétaire est un membre de la toile et que j'ai son consentement, je ne peux pas le faire longtemps aussi, écoutez-moi bien. Je suis en train de mener ma petite enquête au sujet des disparitions au clair de lune. » Ce que je subodore ne sent pas bon du tout. « Que se passe-t-il là-bas ? » s'inquiéta Ophélie. « Qui soupçonnez-vous ? » « Disons que j'ai une piste de réflexion, mais je préfère l'explorer seule pour le moment. Je n'en parlerai à personne, pas même à ma famille, tant que je n'aurai aucune certitude. » Ophélie songea qu'il ne devait pas être commode de faire des cachotteries à des gens qui peuvent surveiller vos faits et gestes en permanence. Le vieux visage de la Valkyrie fut soudain parcouru de spasmes, sans cesser de sourire pour autant. C'était l'expression la plus bizarre qu'Ophélie avait jamais surprise sur un être humain. « Je vous invite à être extrêmement prudente. Restez loin de la cour aussi longtemps que possible. » Ophélie se crispa. Après la lettre qu'elle avait reçue, elle ne demandait pas mieux. Pour le moment, Farouk ne lui avait encore fait parvenir aucun message à propos de cette nouvelle charge qu'il lui avait promise, mais ça ne résolvait en rien son problème. Ophélie pouvait-elle faire confiance à Archibald ? Devait-elle lui parler du chantage auquel elle était soumise ? « Que Bérénilde prenne bien soin du bébé à naître, » ajouta-t-il avant qu'elle eût décidé. « Je tiens à être le parrain d'un enfant en bonne santé. Quant à mes sœurs, faites en sorte qu'elles ne s'éloignent pas de vous. » Elles ne sont ici que parce que vous les y avez envoyées de force. Je n'ai aucune autorité sur elles. C'est à peine si on se parle. Elles sont jalouses, s'esclaffa Archibald. Si c'était surprenant de voir une Valkyrie parler, c'était encore plus perturbant de la voir rire. Jalouse ? Mes sœurs ne comprennent pas pourquoi je suis aussi curieux de vous. Elles vous jugent inintéressante et inesthétique. Ah, répondit simplement Ophélie. Et avez-vous des nouvelles de Thorn de votre côté ? La Valkyrie se fendit d'un sourire grimaçant, ses paupières agitées de soubresauts nerveux. La possession d'Archibald mettait son corps à rude épreuve. Ce n'est pas à moi qu'il est fiancé, ce me semble. Monsieur l'intendant est en train de faire je ne sais trop quoi, je ne sais trop où. Je ne veux pas paraître offensant, mais il n'a pas plus l'air de se soucier de mes disparus que de son mariage avec vous. Ophélie plongea la main dans sa poche de manteau où pulsait discrètement la montre de Thorn. Elle avait failli la briser, la dérégler ou l'enrayer un nombre incalculable de fois, mais pour le moment, la délicate mécanique avait survécu à sa maladresse. Ophélie avait mis le silence de Thorn sur le compte de son enquête au clair de lune, mais si Archibald lui-même ignorait où il était... Un peu malgré elle, elle se remémora les papiers volants dans tous les sens et Thorn, barbouillé de sang, en train de pointer son pistolet sur elle. Et s'il avait reçu des lettres, lui aussi ? Nous ne sommes pas reliés à la citadelle par téléphone ici. Pourriez-vous contacter l'intendance, monsieur l'ambassadeur ? Juste vous assurer... Comment dire, qu'il n'y a rien de grave. La Valkyrie haussa tellement les sourcils que son front se plissa comme un accordéon. Non, sérieusement, vous vous inquiétez pour Thorn ? Et pour vous aussi, soupira Ophélie à contre-cœur. Je ne suis pas certaine que vous le méritiez l'un et l'autre, mais faites attention où vous mettez vos nez. Elle sursauta quand la Valkyrie se pencha sur elle, déposa un baiser sur son front et lui fit un clin d'œil. Évitez de montrer le vôtre à la cour, petite Ophélie, et surtout, tenez-le loin des illusions. Des illusions ? Pourquoi les illusions ? Le visage de la Valkyrie se referma comme une fenêtre. Ses yeux cessèrent de pétiller et ses mains ridées remirent son vertugade incorrectement en place. Votre correspondant n'est plus là. Mais je ne comprends pas, insista Ophélie. Que voulait dire Archibald ? Je ne partage pas ses pensées, fort heureusement, déclara la Valkyrie en reprenant son mouchoir. J'ai été engagé pour tenir Madame Bérénilde à l'œil, pas pour vous faire la conversation. Sur ces mots, la vieille dame quitta la fenêtre et se replongea dans un silence digne. Ophélie tortilla ses gants. Elle aurait peut-être dû parler de sa lettre à Archibald. Allait-il joindre l'intendance comme elle le lui avait demandé ? La citadelle flottait trop loin des sables d'Opale pour qu'Ophélie pût s'y rendre par voie de miroir. Elle se retourna et contempla la forêt de conifères à travers la fenêtre. Chaque fois que le soleil quittait un nuage, il éclaboussait Ophélie de lumière et réverbérait son reflet sur la vitre. Un petit bout de femme, avec des cheveux en désordre, une expression angoissée et autour du cou, une écharpe qui commençait à se trémousser d'impatience. Ophélie se leva comme un ressort en entendant une porte s'ouvrir et se refermer dans le couloir. C'était Bérénilde, les mains cramponnées à son ventre comme à une bouée, tellement pâle qu'elle en paraissait exsangue. « Madame !» s'inquiéta Ophélie. « J'aimerais prendre l'air un moment. » dit Bérénilde d'une voix lasse en s'appuyant au bras qu'elle lui tendit. « Venez avec moi, je vous prie. »« Quant à vous, madame, » ajouta-t-elle en s'adressant à la Valkyrie, « pourriez-vous nous suivre à distance, respectable, s'il vous plaît ? Nous avons besoin d'un peu d'intimité. » Soucieuse, Ophélie l'accompagna hors du sanatorium. Elles marchèrent en silence dans les jardins. L'herbe humide se collait à ses pieds, mais Bérénilde pesait si lourd à son bras qu'il ne lui vint pas à l'esprit de s'en plaindre. « Vous ne voulez pas vous asseoir, madame ? Faisons encore quelques pas, si vous le voulez bien. » Bérénilde promenait son regard autour d'elle. Ses yeux étaient moins grands et moins bleus qu'à leur habitude. Elle passa en revue les silhouettes étendues sur les chaises longues et qui prenaient un bain de soleil le long des terrasses du sanatorium. Selon toute apparence, elle cherchait quelqu'un. Ophélie la sentit se raidir dès qu'un rire jaillit près de l'endroit où elle se tenait. Agenouillée dans l'herbe, sa robe blanche trempée par l'humidité, une femme cueillait des mûres arctiques sous l'attention vigilante d'une infirmière. La femme examinait chaque baie à la lumière du soleil avec l'expression émerveillée d'une enfant, puis elle croquait dedans et éclatait d'un rire ravi, comme si elle n'avait jamais rien goûté de plus extraordinaire. Ses longs cheveux blonds étaient parsemés d'argent. Elle ne devait pas avoir loin d'une cinquantaine d'années. Elle portait le tatouage le plus troublant qu'Ophélie ait jamais vu, une grande croix noire qui lui barrait le visage, du front jusqu'au menton. Il était évident que c'était cette femme-enfant que Bérénilde cherchait dans ses jardins. Pourtant, elle se contenta de la regarder de loin, sans vouloir s'en approcher davantage. « Je n'ai jamais été une bonne mère. » Ophélie s'était attendue à toutes sortes de déclarations sauf à celle-là. Elle leva les yeux vers Bérénilde dans l'espoir de croiser enfin les siens, mais elle continuait de lui imposer son profil pur et altier. Ophélie avait l'impression de tenir le bras d'une statue. J'ai observé la vôtre avec beaucoup d'intérêt, poursuivit posément Bérénilde. Je gage que, quand vous étiez petite, elle voulait déjà vous avoir toujours sous les yeux. Les mœurs sont quelque peu différentes à la cour du pôle. Nous envoyons nos enfants en province. Nous les confions à des nourrices et à des instructeurs, puis nous attendons qu'ils soient assez grands pour les rappeler auprès de nous et les montrer en société. C'est de cette façon que ma mère m'a élevée, et c'est de cette façon que j'ai moi-même élevé mes enfants. Son sourire s'accentua, sans parvenir à allumer la moindre étincelle de joie dans ce regard qu'elle continuait de poser sur la femme au baies. Thomas m'a été ravi en premier. Je n'étais pas là quand c'est arrivé. Il est mort, empoisonné, dans les bras de sa nourrice. Croyez-vous que j'ai changé quoi que ce soit à mes habitudes? Demanda-t-elle avec un calme olympien. Bien sûr que non. Je me suis repliée sur mon chagrin et j'ai laissé mon petit Pierre et ma petite Marion loin de moi. Je me répétais qu'ils seraient plus à l'abri en province qu'à la cour. Je leur avais promis de les retrouver bientôt, le temps de me ressaisir. Ophélie connaissait déjà le dénouement de cette histoire, mais elle ne l'aurait interrompue pour rien au monde. Après des semaines de non-dits, Bérénilde s'ouvrait enfin à elle. Je ne me réveille pas un seul matin sans me poser la même question. Serait-il encore vivant aujourd'hui si je n'avais pas tant tardé à tenir ma promesse? Le soleil s'éclipsa derrière les nuages. Un vent au ras du sol balaya la pelouse et glaça les mollets d'Ophélie. Le chapeau cloche de Bérénilde s'envola comme une grande fleur de muguet. La femme-enfant le suivit des yeux subjugués. Et elle abandonna sa cueillette pour s'élancer à sa poursuite malgré les protestations de l'infirmière. Bérénilde, elle, n'avait pas bougé d'un cil, ses beaux cheveux dorés ondoyant librement autour de ses épaules. Je me suis vengée. Dès que j'ai découvert l'identité des coupables, je me suis fait un plaisir de les provoquer en duel et de les mettre en pièces, tous les deux, l'un après l'autre. Tous les deux. Les paroles du baron Melchior revinrent à Ophélie comme une gifle. Stanislav a perdu ses parents dans des circonstances quelque peu particulières. Le père et la mère du chevalier, murmura Ophélie. Ce sont donc eux qui se sont attaqués à vos enfants? C'est pour cette raison que vous avez hérité de leur domaine? Je suis responsable de ce que ce petit mirage est devenu. affirma Bérénilde sans se départir de sa douceur. Il a toujours attendu de moi que je comble le vide que j'ai creusé dans sa vie. J'ai appris par télégramme que la sentence de sa mutilation aurait bientôt lieu. Il sera alors probablement envoyé loin de la cour. C'est une page de ma vie qui se tourne avec lui. Elle respira le parfum végétal du vent et d'un geste plein de grâce, calma ses cheveux agités. Les plus beaux souvenirs que j'ai de mes enfants se trouvent ici, dans cette ville, au fond de ces bois, sur ces plages. C'est la seule chose que je souhaite préserver aujourd'hui. Il n'en fallut pas davantage à Ophélie pour comprendre d'où venait cette mélancolie qui enveloppait Bérénilde depuis qu'elles étaient descendues dans le sud de l'Arche, et pourquoi elles s'offraient corps et âme à cet endroit. C'était un pèlerinage. Ophélie tressaillit en la voyant contracter sa main sur son ventre. « Vous avez mal ?»« Rien qui ne soit dans l'ordre naturel des choses. La naissance est imminente. Regardez-moi donc !» murmura Bérénilde avec une fossette en coin. « Je vais enfin être mère à nouveau, et je ne tire aucune leçon de mes erreurs passées. Je mène une vie d'excès et de débauche. Je ne change rien à mes habitudes. Si votre tante ne me surveillait pas d'aussi près. » Elle soupira sans se défaire de son sourire paisible. Ma mère va mourir. Ses poumons sont en très mauvais état. Ce n'est plus qu'une question de jours, d'heures, peut-être. Je dois rester près d'elle. Je suis désolée. Ophélie avait dit cela avec une spontanéité irrépressible, même si elle ne savait pas ce qui la navrait réellement. Ce drame tombait on ne peut plus mal. Bérénilde avait trop à penser, et elle n'osait plus partager ses inquiétudes avec elle. « Vous n'avez pas à l'être, » déclara-t-elle d'une voix sensiblement moins douce. « Maman vient de se confier à moi. Vous vous rappelez ces oranges qui ont failli empoisonner Madame Hildegarde et vous condamner, vous, à mort? C'est elle qui en est responsable. » Elle ne vous présente pas ses excuses, crut bon de préciser Bérénilde. Elle regrette même d'avoir échoué à vous discréditer. Mais elle a tenu à me le dire, tant qu'elle le pouvait. Ah ! Balbutia Ophélie, prise de court. Bérénilde, qui avait d'habitude une parfaite maîtrise de ses griffes, était en train de lui souffler une migraine dans la tête. Rien en façade ne laissait deviner qu'elle était contrariée. Elle observait toujours avec une curiosité distante la femme-enfant qui avait fini par attraper son chapeau et qui semblait se demander à présent ce qu'elle était censée en faire. Du temps de sa jeunesse, ma mère était une femme très redoutée, reprit Bérénilde. À ses yeux, seul comptait le clan des dragons, l'avenir des dragons, l'honneur des dragons. Je pensais qu'elle s'était assagie avec l'âge, mais je suis atterré par son hypocrisie. Jamais je ne lui pardonnerai de vous avoir causé du tort. J'ai déjà du mal à me le pardonner à moi-même. Les yeux de Bérénilde se baissèrent enfin vers Ophélie, et celle-ci comprit aussitôt, le cœur battant comme un tambour, que cette ombre qui altérait leur éclat ne lui avait jamais été destinée. « Je vous demande pardon, Ophélie, pour toutes les fois où je vous ai contrainte, malmenée et réprimandée. Ce soir-là, sur cette scène de théâtre, quand vous avez tenu tête à Farouk, j'ai réalisé que vous n'avez jamais cessé d'être la plus forte de nous deux. Ce fut une leçon d'humilité un peu pénible que vous m'avez donné là, mais je l'ai finalement digéré. J'avais la prétention de vous protéger, et c'est moi qui vais avoir besoin de votre aide. Que je vous aide. » Bérénilde lui était supérieure en charme, en puissance et en influence. Il était difficile pour Ophélie d'imaginer en quoi elle pourrait être utile. Elle se laissa faire quand Bérénilde lui prit tendrement la main et la posa sur son ventre. « Trouvez-moi un prénom, » Moi? N'est-ce pas au parrain? Non. Je ne veux pas que ce soit le choix d'Archibald, mais le vôtre, Ophélie. Je vous demande d'être la marraine de mon enfant. Les lunettes d'Ophélie s'empourprèrent sous le coup de l'émotion. Elle fit de son mieux pour ne pas montrer à quel point cette requête la paniquait. C'était la première fois que quelqu'un envisageait de lui confier une telle responsabilité. Agathe elle-même avait préféré se tourner vers une tante, jugeant sa sœur beaucoup trop maladroite pour tenir un bébé dans ses bras. « Un prénom de fille, » précisa Bérénilde en caressant son ventre. « J'ai toujours été capable de sentir ces choses-là avant la naissance. Est-ce que vous savez ce que cela signifie ?» Ophélie ne répondit pas. Elle avait tant de pensées en tête qu'elle ne parvenait plus à se concentrer sur une seule d'entre elles. Au pôle, ce sont les enfants mâles qui héritent de la totalité des successions, expliqua Bérénilde. Puisque je vais donner naissance à une fille, cela fait d'ores et déjà de Thorn le propriétaire officieux de tout le patrimoine des dragons. Il le deviendra officiellement avec l'annulation de sa condition de bâtard, quand il aura rempli sa part du contrat envers notre seigneur Farouk. Et vous, madame, et votre fille? Oh, je ne m'inquiète pas pour cela. Thorn pourvoira à nos besoins. Et puis, je reste la propriétaire de mon manoir à la Citatielle. Alors, Ophélie, acceptez-vous d'être la marraine de mon enfant? C'est-à-dire, madame, c'est une lourde responsabilité. Vous êtes la personne la plus responsable que je connaisse, s'il vous plaît, ma petite Ophélie. Aidez-moi à être une meilleure mère et aidez notre seigneur Farouk à être un meilleur père. Mais plus que tout, aidez Thorn, l'implora Bérénilde avec une soudaine fêlure dans la voix. Ce garçon me donne bien du souci. J'ai parfois l'impression que je ne le connais pas tout à fait. J'ignore ce qu'il a dans la tête. Mais pour le reste, faites-moi confiance. Je le devine mieux que lui-même. C'est de votre cœur qu'il a réellement besoin, pas de vos mains. Ophélie bégaya une réponse sans queue ni tête. Elle qui craignait de ne pas avoir l'estime de Bérénilde, elle se sentait à présent écrasée sous le poids de ses attentes. « Pour le moment, je ne vous serai malheureusement d'aucun secours, » soupira Bérénilde en glissant un doigt sur la joue d'Ophélie. « J'ai une mère à mettre en terre et un enfant à mettre au monde. Restez bien sagement à l'hôtel en m'attendant. J'aurais aimé que la Valkyrie vous raccompagne pour veiller sur votre sécurité en mon absence, mais c'est à mon bébé que la toile a offert sa protection. Je vous promets toutefois d'être à vos côtés le jour de vos noces. Vous bénéficierez bientôt, en plus de votre animisme, des griffes de Thorn. Nous vous apprendrons à vous en servir, afin que vous puissiez vous protéger de vos ennemis. » Ophélie se força à sourire, mais elle ne dut pas être assez convaincante. Bérénilde posa ses deux mains sur ses épaules, pareille à une adulte qui essaierait de réconforter une petite fille. « Si la loi l'autorisait, je vous ferais don de mon propre pouvoir familial. Vous me voyez peut-être comme une force de la nature, mais mes griffes de jeune fille ne valaient pas grand-chose avant d'être accouplées à celles de mon mari. La cérémonie du don a toujours présenté cet avantage de rendre un même pouvoir deux fois plus puissant. Ne sous-estimez pas toutefois les avantages que pourra représenter le mélange de votre animisme aux facultés de Thorn. Vous serez peut-être étonné du résultat. » Ophélie sursauta quand un visage barré d'une croix se colla brusquement au sien. C'était la femme-enfant qui, sur les directives patientes de son infirmière, lui tendait le chapeau de Bérénilde. « Merci, madame, » dit-elle en s'en emparant timidement. Le tatouage de cette femme était encore plus impressionnant de près. Il lui peignait une ligne verticale si épaisse qu'elle lui recouvrait entièrement le nez et une autre horizontale qui lui posait comme un loup en travers des yeux. Ce visage aurait été encore magnifique s'il n'avait pas été barré de cette façon. Peinte sur fond de cheveux blonds argent, de peau pâle et de robe blanche, on ne voyait que cette croix noire. La femme-enfant n'en faisait aucun complexe. À peine son regard se détourna-t-il d'Ophélie qu'elle parut oublier instantanément son existence et, saisie d'une nouvelle lubie, s'en fut en courant sur la pelouse. « Ah oui, au fait !» dit Bérénilde d'une voix plus fraîche. « Ophélie, je vous présente votre future belle-mère. »